Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je suis de nouveau avec Angélique qui était venue l'autre jour nous parler des Vosges, de los Vosgos, muy conocedora de su zona. Pues ahora, hoy ha venido a exponernos una experiencia que yo tengo mucho interés en que se sepa porque es una mujer y encima ha montado una empresa de turismo en Ávila que se llama... ¿Cómo se llama tu empresa? Cuéntame, Ávila. Cuéntame, Ávila. Angélique a eu le courage de monter une entreprise. C'est magnifique. Il paraît qu'en ce moment, à la télévision, on montre des personnes jeunes qui montent des entreprises dans une période de difficulté. Qui plus est, quand on est une femme, c'est, je crois, encore plus difficile. Ah oui. Et étranger aussi. Et étranger en plus. Ay, señor, qué difícil. Qué handicaps tenemos, voilà. Hein. C'est vraiment être une femme, être étrangère et être en période de crise. Affreux. Bon, eh bien, elle est quand même là, courageuse, elle va nous parler de son activité. A qué dedicas la empresa? En fait, dans cette entreprise, c'est une entreprise touristique. L'activité la plus importante est orientée sur les visites guidées. En fait, c'est vrai que ça peut paraître spécial, un peu bizarre, qu'une personne française fasse des visites guidées du département d'Épinal. Oui. D'Épinal, pardon, d'Ávila. Dans la province d'Ávila, en provenance d'Épinal. Voilà. Mais te voy a preguntar una cosa. ¿Qué formación tienes? En fait, j'ai étudié pendant 3 ans à l'école du Louvre, à Paris, et ensuite, pendant 3 ans, la gestion du patrimoine et du tourisme dans le nord de la France, à Arras. Un día nos tienes que venir a explicar lo que es l'école du Louvre, porque es una escuela muy prestigiosa para carreras artísticas, l'école du Louvre, la escuela del Louvre, y merecía un programa, ¿verdad? Voilà, 3 ans à l'école du Louvre. Et quand je suis arrivée à Ávila, j'ai été vraiment émerveillée par les murailles, par toute sa richesse, et j'ai voulu un petit peu contribuer justement à toute la promotion de la ville. Et c'est pour ça que j'ai décidé de monter cette entreprise. Et donc, c'est pour ça que la plus grande partie de l'entreprise se dédie à faire des visites guidées, mais pas seulement à des personnes françaises, enfin des personnes francophones, mais aussi à des Espagnols. Et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'en Espagne, Ávila avait une image plutôt négative pour le froid. Mais après, les gens, une fois qu'ils découvraient Ávila, qu'ils découvraient toute sa richesse, au contraire, ils étaient vraiment très, très surpris. Enchantés, et ils revenaient ils en redemandent. Leurs enfants. Ils vuelven con los niños para enseñar. Muy bien, qué maravilla. Entonces, cuéntame, Ávila pertenece al sector del turismo. Uh-huh. Y entonces, ¿cómo trabajas? ¿Cómo haces? ¿Cuáles son tus públicos? Cuéntanos, Ávila. Donc, pour la partie des visites guidées, en fait, le public, alors, ça dépend beaucoup des périodes. Parce qu'en été, pour les mois de juillet, août, sont plutôt des familles. Alors, les familles, c'est très difficile de les atteindre, puisque ce sont des gens qui ne prévoient pas avec beaucoup de temps la visite. Donc, ils décident le jour même, on va à Ávila, on va visiter Ávila. Donc, les familles, les visites guidées sont tous les jours à une certaine heure, à un certain point de la ville. Alors que, au contraire, les mois de mai, juin, septembre, octobre, la période un peu hors saison, ce sont surtout des groupes organisés, soit de personnes âgées, des associations, donc des personnes qui préviennent en avance qu'ils vont venir. Et là, ce sont plutôt des groupes déjà de 50 personnes. Donc, ce sont des groupes très organisés. Ah, mais 50 personnes, manejas. Oui. Groupes de 50 personnes. Et ensuite, il y a les scolaires. Pour les échanges, là, ce sont plutôt des échanges d'autres pays. Donc, par exemple, au mois de mai, avril-mai, c'est une période voilà, où les scolaires viennent pour pratiquer la langue pendant une semaine. Donc là, ce sont des groupes, des fois, qui peuvent arriver à 150 personnes. Donc, dans ce cas-là, nous sommes plusieurs guides, nous répartissons les élèves en fonction de leur niveau, de leur âge, et nous leur faisons découvrir la ville. Ah, claro, porque tú contratas a guías, de ces guides de tourisme qui sont formés à Ávila, à l'école de tourisme de Ávila. C'est une formation. Enfin, pour être guide de tourisme, il faut d'un côté avoir un diplôme de tourisme et ensuite il faut se préparer à un examen. Parce que pour être guide touristique, il faut passer un examen au niveau de la Junta de Castilla y León. Ah, pour être un guide agréé, un guía oficial. Exactement. Voilà, c'est très bien. La profession se protège. Oui. C'est parfait. Même si ces derniers temps, on a un petit peu peur quand même oui. au niveau de cette profession. Parce oui. que beaucoup de personnes parlent que la profession peut arriver à disparaître. Il faut comprendre que, par exemple, à Avila, on a beaucoup de guides, mais tous les guides ne parlent pas toutes les langues. C'est facile de trouver un guide qui parle français, qui parle anglais, mais après, on n'a pas de guide qui parle japonais ou qui parle chinois. Et pourtant, il y a énormément de demandes. Son muy viajeros, esa gente, claro. C'est pour ça que, actuellement, les guides ne peuvent pas faire ces visites guidées pour ces personnes, mais d'un autre côté, ces personnes n'ont pas le droit d'apporter leur propre guide, puisqu'ils ne sont pas agréés par la Junta de Castilla. Ah, c'est pour ça que c'est un petit problème juridique qu'il va falloir très bien résoudre. Ce que ça va devenir, cette profession. Voilà, très bien, mais c'est bien utile. Oui. Bon, vamos a escuchar una pequeña canción, y después Angélique nos contará más en detalle qué hace, qué recorridos hace, qué paseos nos propone con su empresa Cuéntame Ávila. Hasta ahora. A nos hablar de sus actividades, las actividades de Cuéntame Ávila. ¿Cuál es el paseo preferido de tus clientes? En fait, depuis cette année, je suis un petit peu sortie du territoire d'Ávila, on va dire, puisque j'ai eu énormément de demandes de touristes francophones pour le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Je ne sais pas si vous savez, mais l'année prochaine, c'est l'année sainte. Donc, c'est très, très développé. Et les Français adorent faire le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Es que además los franceses piensan que el Camino Santiago es su camino, porque ¿cómo lo llaman? El Camino francés, el chemin camino français. Ouais, le chemin français. Qué cara, ¿no? Oui. Un petit peu, un poquitín, ¿verdad? Un petit peu. Mais bon, en même temps, si ça peut servir à dynamiser encore plus ce chemin, ce n'est pas grave. Qué maja es, Angélique. Bueno, entonces, ¿cómo haces? En fait, avec ces groupes, je commence à Roncevaux. Parce que les groupes de Français, en fait, ont rencontré le grand problème de la langue. En France, ils arrivent très bien à se débrouiller, mais une fois qu'ils franchissent les Pyrénées, ils ne savent plus. On ne sait plus. Donc, apparemment, le langage des signes, ça n'est pas suffisant. Et donc, c'est pour ça qu'ils demandent des personnes qui accompagnent le groupe jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc, je commence à Roncevaux. Et le voyage que je fais... Ce n'est pas un voyage normal, on n'est pas à pied, c'est plutôt un voyage de luxe, on va dire. C'est plutôt, tous les jours, on fait 5 km à pied, et le reste du temps, le voyage en autobus, pour pouvoir permettre de visiter beaucoup de choses, parce que sinon, il faudrait un mois pour faire le chemin en entier, et tout le monde n'est pas disposé à prendre un mois de vacances pour faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Es que además hay que decir que el Camino de Santiago lo hacen muchas veces personas un poco mayores, que son las que tienen tiempo y dinero, pero cuando tienes tiempo y dinero ya no tienes patas, ¿verdad? Mm-hmm. Oui, on a du mal à marcher, donc il faut réduire la quantité de kilomètres. C'est pour ça que ces 5 kilomètres, c'est assez raisonnable. Et en plus, on choisit toujours 5 kilomètres qui sont très faciles à faire, mais aussi qui soient assez variés, que ça ne soit pas tout le même paysage pendant 5 kilomètres. Donc pour eux, c'est un bon compromis, on va dire, pour le voyage. On coupe la poire en deux, c'est très bien. Et alors vous allez jusqu'à Saint-Jacques? Voilà, on va jusqu'à Saint-Jacques. Alors ça dépend beaucoup des groupes, le temps qu'ils ont. Le voyage en général dure entre 8 et 12 jours, ça dépend beaucoup de l'intérêt des personnes. Il y a des personnes qui veulent faire ça tranquillement pour profiter bien du voyage, et il y a d'autres personnes qui ont une semaine de vacances et qui veulent quand même faire le chemin de Saint-Jacques pendant cette semaine. Muy bien. Et entonces tú te encargas de l'autocar? Los hoteles, Voilà, l'autocar, les hôtels, ensuite déterminer la route avec le groupe, parce que les gens ne connaissent pas ce qu'il y a à voir, où il faut s'arrêter, donc on fait le programme ensemble, et ensuite je m'occupe de les remettre après au guide correspondant, parce que comme j'ai expliqué tout à l'heure, il faut une accréditation pour pouvoir être guide, et donc ce sont des gens qualifiés de chaque ville qui vont faire les visites guidées à ces groupes. Donc c'est très important aussi la coordination avec les groupes, avec les guides, leur expliquer le groupe, parce qu'on ne peut pas faire la visite guidée de la même façon à un groupe et à un autre. Donc tout un travail de coordination. Un contexte à respecter pour que les gens soient satisfaits. Et je les accompagne à la marche. Et vous les accompagnez pendant le groupe. Mais c'est formidable. Alors donc c'était Cuéntame Ávila que se va à Santiago de Compostela. Voilà. Muy bien. Pues nous espérons que Angélique aura du succès avec son entreprise, que ça continue. Y le deseamos mucha suerte en español también. Merci. Y queridos oyentes, pues hasta otro día. Adiós. Au revoir. Au revoir.